Jamais autant de résistants ne s'étaient évadés ensemble en une seule fois. Cette nuit du 1er octobre 1943, ils étaient en effet 80 prisonniers politiques à franchir les hauts murs de la prison du Puy, une prison jugée parmi les plus sûres de France. L'événement est sans précédent et fait sensation à Londres dans les milieux de la France libre, tandis qu'à Vichy et à la Gestapo, on fait grise mine. Malheureusement, pour 5 de ces évadés, il ne s'agit pas d'une véritable libération. Non pas qu'ils ne soient pas d'authentiques résistants, mais, tenus pour trotskistes, ils font l'objet d'une véritable suspicion de la part de leurs camarades communistes. Cette défiance va même si loin qu'on ne reverra jamais 4 d'entre eux. Qui a ordonné leur exécution et au nom de quels intérêts supérieurs? Monsieur X essaie de débrouiller cette ténébreuse affaire qui ne sera jamais éclaircie, malgré des demandes pressantes adressées aux instances dirigeantes des partis communistes français et italiens jusque dans les années 90. Quel secret détenaient donc ces 4 militants trotskistes, morts au maquis, mais abattus par leurs propres camarades de combat? Et pourquoi cette chape de silence qui perdure jusqu'à aujourd'hui? L'évadé. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler les pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu secs. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir. Le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme, juste le temps de vivre. Elle s'appelait Barbara, Barbara Seldenfeld. Jusqu'à ses derniers jours, en 1978, elle n'a cessé d'essayer de savoir ce qu'était devenu l'homme qu'elle aimait. Pietro Tresso, un éminent militant du mouvement ouvrier international d'avant-guerre, réfugié en France et qui avait choisi de rejoindre la résistance dès les débuts de l'occupation allemande. Et cette Barbara est donc morte sans savoir. C'est exact. Et pourtant, elle a mené une véritable enquête sur les circonstances de la disparition de Tresso, mais en vain. Les témoins qu'elle a interrogés se sont obstinément tus. Et pour vous, c'est la preuve que cette affaire dissimulait des secrets inavouables. Ça me paraît évident. Sinon, pourquoi se taire aussi longtemps? Alors, voyons d'abord qui était exactement ce Tresso, le personnage incontestablement le plus important parmi ces 5 trotskistes qui se sont évadés de la prison du Puy en octobre 1943. Une évasion, bon, disons-le tout de suite, qui a été particulièrement spectaculaire. Non seulement en raison du nombre de résistants qui ont pris la fuite de l'air cette nuit-là, mais aussi à cause de la méthode utilisée. Enfin, j'y reviendrai. Bon, alors, très sourd. Il est né à la fin du XIXe siècle dans une famille très modeste, de pauvres métayers établis en Vénétie. Le jeune Pietro doit quitter l'école et travailler, alors qu'il a tout juste 9 ans. Et c'est cette condition sociale misérable qui forge très vite ses convictions politiques. Dès qu'il le peut, Tresso s'inscrit aux jeunesses socialistes tout en s'instruisant par lui-même. Autodidacte, donc. Et un jeune homme particulièrement courageux qui étudie à la fois les mathématiques et le droit. Ça lui vaut assez vite d'être remarqué et d'être envoyé dans une école d'officiers où il gagne ses galons de lieutenant. Et ses chefs ignorent ses activités militantes? Oui. Mais dès qu'il le découvre, Tresso devient suspect. Il va même être inculpé par un tribunal militaire qui l'accuse de faire partie d'un groupe d'opposants à la guerre. Il finit par être acquitté. Et alors, quand arrive la Première Guerre mondiale? Tresso est mobilisé, mais dans un bataillon disciplinaire. Toujours à cause de ses convictions de gauche. Oui. Naturellement. Il combat pendant presque 3 ans, mais dans les tranchées, il contracte la tuberculose. Il est donc rendu à la vie civile ? Oui, il est reconnu comme invalide de guerre. En tout cas, dès sa démobilisation, il retourne à la vie politique et se situe à la gauche du Parti socialiste. Il est alors sans nul doute influencé par les événements de Russie. Oui, ça c'est la révolution d'octobre. Oui, et presque naturellement, il fait partie des militants socialistes qui créent le Parti communiste italien en 1921. Tresso est alors très proche de l'une des grandes figures de ce nouveau parti, Antonio Gramsci. Il est donc un militant qui compte. Tout à fait, un militant particulièrement combatif qu'on va retrouver dans les instances clandestines du parti après la prise du pouvoir par Mussolini. Et c'est à ce titre qu'il va représenter le Parti communiste italien au sein de l'Internationale communiste. Le Comintern. Il fait donc le voyage de Moscou. Mais en Italie, c'est un militant clandestin qui sera à plusieurs reprises l'objet d'agressions de la part des fascistes italiens. C'est aussi l'époque, les années 20, où Tresso rencontre l'amour de sa vie. Ah, Barbara, donc. Elle-même, ancienne étudiante en médecine, elle est devenue une révolutionnaire professionnelle. Et les deux amants ne se quitteront plus. Seuls la guerre et la répression les sépareront. Mais revenons à l'évolution politique de Tresso. Militant exemplaire, il fait aussi preuve de qualité exceptionnelle. Mais, car il y a un mais, ce n'est pas un béni oui-oui. Il n'est pas décidé à obéir aveuglément aux consignes de Moscou. Surtout quand Staline préconise la politique de la main tendue. La main tendue, mais la main tendue à qui hein? Aux fascistes italiens, aux chemises noires, comme on les appelle. Ouais, des communistes. C'est un épisode assez peu connu, en France en tout cas. Et puis gardez bien cet épisode en tête, car il n'est peut-être pas étranger à la disparition de Tresso. Quoi qu'il en soit, ce dernier s'oppose violemment à cette ligne politique incarnée par le leader du parti, Palmiro Togliatti. Et arrive ce qui doit arriver. Tresso est exclu du Parti communiste italien en 1930. Mais il faut noter que ce qui suit lui donne raison a posteriori. Loin d'être sensible à cette offre de la main tendue, les fascistes italiens mettent en place une véritable chasse aux communistes. Et c'est le moment où beaucoup d'entre eux, ces communistes italiens, là, vont choisir de fuir de l'autre côté des Alpes. Effectivement. Mais la police secrète de Mussolini continuera néanmoins à les poursuivre avec la complicité des ligues françaises d'extrême droite. Bon, ça, c'est peut-être une autre histoire. Ouais. Et Tresso, lui, alors? Avec Barbara, il se réfugie également en France. Et il ne tarde pas à rejoindre l'opposition de gauche au communisme stalinien. Ouais. C'est-à-dire l'organisation de Trotsky. Mais qui deviendra un peu plus tard la 4e internationale. Mais qui, en France, s'appelle le POI, c'est-à-dire le Parti ouvrier internationaliste. Tresso, qui a choisi le pseudonyme de Blasco, conduit alors une lutte idéologique sans concession contre ses anciens camarades du Parti communiste italien et surtout contre sa direction. À cause de son alignement sur Moscou. Bien sûr. Ouais. Staline qui purge à tout va le Parti communiste de l'URSS et a déclaré une véritable guerre à Trotsky. Qu'il finira par faire assassiner en 1940. Hein. Ouais, les trotskistes sont alors accusés de tous les maux. Et lors de la guerre d'Espagne, les agents soviétiques dirigés par le sinistre Orlov vont liquider pas mal d'entre eux au lieu de réserver leur coup aux putschistes de Franco. L'imputation de trotskisme servira d'ailleurs souvent à justifier les trop célèbres procès de Moscou. Hein. Et par conséquent, les militants trotskistes, considérés par Staline comme des traîtres, doivent dès lors se méfier, même quand, à l'instar de Tresso, ils se trouvent loin de l'URSS. Car les tueurs du NKVD, hein, les services secrets soviétiques, se moquent bien des frontières. Et quand les militants trotskistes ne sont pas assassinés, ils sont parfois dénoncés comme de dangereux agitateurs auprès des autorités locales. En tout cas, la signature, en 1939, du pacte germano-soviétique apporte une nouvelle fois de l'eau au moulin de Tresso et de ses amis politiques, toujours prompts à dénoncer l'ogre du Kremlin. Auparavant, je dois vous dire qu'en dépit des précautions que doit prendre en permanence le réfugié italien, il en profite aussi pour se cultiver, et se lie avec nombre de personnalités du monde artistique ou littéraire. Il s'intéresse en particulier beaucoup au surréalisme. Je remarque que vous en parlez, moi, avec sympathie. Hein. Certainement, car Tresso n'était pas une personnalité ordinaire. Mais je poursuis. Quand vient la débâcle de 1940, puis l'occupation, l'Italien est plus que jamais en danger. Et effectivement, il échappe de peu à une rafle opérée par la Gestapo. Il a donc déjà rejoint la résistance ? Assez rapidement, oui. Mais après cette arrestation manquée, il juge plus prudent de rejoindre la zone libre. Et grâce aux gens qu'il a rencontrés dans les milieux surréalistes, Il est mis en relation avec le réseau Frey. Souvenez-vous, je vous ai parlé il y a déjà un certain temps de cette organisation. Oui, Frey était un citoyen américain, c'est ça, hein? Oui, oui, installé à Marseille, il avait mis sur pied le CAS, Comité Américain de Secours, un organisme semi-clandestin qui se proposait de faire passer aux États-Unis des intellectuels ou des artistes susceptibles d'être arrêtés et déportés en Allemagne. Et je vous le rappelle, c'est ainsi qu'André Breton, Arthur Kessler ou Claude Lévi-Strauss, par exemple, pourront gagner New York. Frey a commencé à agir dès septembre 1940, mais 11 mois plus tard, la police l'expulse. Ouais. C'est la fin du CRS, hein? Non, non, cette filière continuera à fonctionner jusqu'en juin 1942. Mais tout au long de son activité, elle intéresse beaucoup de monde. Bah, tous ces candidats à l'exil, enfin. Pas seulement, et il y a ensuite la police française qui le surveille étroitement. Essentiellement parce qu'elle le soupçonne d'être en relation avec un réseau trotskiste existant à New York. Et c'est grâce au CAS que Tressot reste en contact avec ses camarades installés de l'autre côté de l'Atlantique. Mais les services anglo-saxons sont eux aussi intéressés par les activités de l'organisation créée par Ryan Frey. Quoi, parce qu'ils veulent eux aussi obtenir des renseignements sur les réseaux trotskistes? Et sur les informations qu'ils détiennent sur l'Union soviétique. L'URSS, qui n'entrera en guerre qu'en juin 1941, il faut le rappeler. Oui, à la suite de l'invasion allemande. Oui, et puis il y a aussi d'autres gens qui surveillent de très près le CAS. Et là, nous allons retrouver un autre personnage dont nous avons parlé autrefois, Noël Field. Oui, c'était un citoyen états-unien, lui aussi. Hein. Un type ambigu, ancien fonctionnaire du département d'État, qui navigue entre les services américains et le NKVD soviétique. Officiellement, représentant d'un comité de l'Église unitarienne, lui aussi, s'occupe de venir en aide aux personnes en difficulté. Et à ce titre, il va rencontrer la fine fleur des futurs dirigeants communistes de l'Europe de l'Est. Pour leur malheur. Hein, oui, ouais. Oui, car Staline, sans doute abusé par le patron de l'OSS, Dulles, se servira de Field pour liquider ces hommes qui étaient souvent d'authentiques héros. Enfin, ne nous éloignons pas trop. Ce qui compte dans notre histoire, c'est que ce Field joue un jeu trouble, et qu'il informe très certainement ses amis de Moscou à propos des faits et gestes des militants trotskistes qui profitent de la filière du CAS. Alors, revenons à Tressot, là, vous m'avez dit qu'il se servait du CAS pour rester en relation avec les trotskistes exilés aux États-Unis. Et il faisait sans doute partie du CAS, mais lui-même n'a-t-il pas envisagé de partir là-bas? Oh, il y a pensé, très certainement, mais finalement, il a renoncé. « Je suis trop vieux », a-t-il dit à ses amis qui l'encourageaient à partir. « Trop vieux, pourtant, il n'avait même pas 50 ans. Hein. » Certes, mais Tressot, qui était un militant dévoué, a sans doute estimé qu'il était plus utile en France qu'aux États-Unis. Mais ça lui a coûté très cher. Monsieur X a évoqué la politique de la main tendue des communistes italiens aux fascistes. Politique adoptée par les dirigeants italiens réfugiés en France sur ordre de Staline. J'ai retrouvé l'appel aux fascistes lancé en août 1936. Je vous en propose un extrait. Pour le salut de l'Italie, réconciliation du peuple italien. La cause de nos maux vient du fait que l'Italie est dominée par une poignée de grands capitalistes. Seuls, l'union fraternelle du peuple italien obtenue par la réconciliation entre fascistes et non-fascistes pourra abattre la puissance des requins dans notre pays. Les communistes adoptent le programme fasciste de 1919, qui est un programme de paix, de liberté, de défense des intérêts des travailleurs. Peuple italien, fasciste de la vieille garde, jeunes fascistes, luttons ensemble pour la réalisation de ce programme. Pietro et Barbara ne sont donc pas partis pour le Nouveau Monde où leurs meilleurs amis les pressaient pourtant d'aller se réfugier. À la fois pour échapper au tour de Moscou et à la Gestapo. C'est ça. Et à Marseille, l'Italien poursuit son activité de militant trotskiste clandestin. Ouais, une activité de résistant. Oui, oui, oui, avec ses camarades du POI, le Parti Ouvrier Internationaliste. Mais ce que tous ces militants ignorent encore, c'est que la police de Vichy les a déjà à l'œil. Ouais, vous l'avez laissé entendre, ils ont été trahis. Non, non. Mais un peu par hasard, la police a mis la main sur un message secret échangé entre New York et les trotskistes de la région de Marseille. Des filatures sont donc mises en place et bientôt, au début du mois de juin 1942, La sûreté de Vichy est en mesure d'opérer une vaste rafle dans les milieux trotskistes du sud de la France. Et Tressot tombe ? Et Barbara avec lui. En même temps que le couple, d'autres militants appartenant au complot trotskiste, comme dit la police, sont mis à l'ombre. Et les hommes du commissaire Sirinelli, l'instigateur de la rafle, ne prennent guère de gants avec leur proie. Tressot est ainsi copieusement battu et même torturé. Ce super flic de la collaboration veut en effet démonter toute la filière trotskiste. Et après ce traitement de choc, les prisonniers ne tardent pas à comparaître devant l'une de ces cours spéciales de justice créées en 1941 par le régime de Pétain. Résultat ? Malgré une défense solide assurée par Gaston Manerville, futur président du Sénat, et aussi Gaston Defer, ces résistants sont lourdement condamnés. Certains écopent même d'une peine de détention à perpétuité. Et Tressot, lui ? Il est condamné à 10 ans. Seule consolation pour lui, Barbara, elle, est acquittée. Commence alors pour Tressot et les autres condamnés une longue pérégrination de prison en prison. Lodève, Mozac et finalement le Puy-en-Velay. Mais partout, ces militants trotskistes sont traités en pestiférés par leurs co-détenus politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trotskistes ? En effet, les communistes, qui sont souvent les plus nombreux parmi les résistants emprisonnés, se défient d'emblée de ces traîtres à la patrie du socialisme, comme ils disent. Ces trotskistes sont donc mis en quarantaine. Et parfois, ils sont victimes de mesures vexatoires et même d'exactions. Ça semble insensé, quand même. Oui, mais il faut tenir compte du bourrage de crâne que ces communistes ont subi. On a cessé de leur répéter que ces trotskistes étaient des espions, des diviseurs. Des vipères lubriques, selon le jargon utilisé à l'époque. Exactement. Et les communistes sont sincèrement persuadés que les trotskistes ne valent guère mieux que les nazis ou les collabos. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Certains, les plus lucides ou les moins embrigadés, ne partagent pas cette aversion et n'appliquent pas cette quarantaine avec la rigueur qu'on exige d'eux. Il n'empêche que pour ces trotskistes, c'est en quelque sorte la prison dans la prison. Alors vous n'exagérez pas un peu, là ? Pas du tout. Et je vous en donnerai la preuve dans un instant. Mais n'allons pas trop vite, c'est ça. Bon, c'est un peu facile, monsieur Pénoin. Enfin, passons. Tressot et 4 de ses camarades finissent donc par rejoindre la prison du Puy-en-Velay. Un établissement pénitentiaire ancien, entouré de murs de 6 mètres de haut. Ah, c'est des murs infranchissables. Oui, et c'est la réputation de la prison du Puy. On ne peut pas s'en évader. Mais quelques hommes courageux et déterminés vont bientôt ruiner cette réputation. Un mot auparavant. La Haute-Loire, département montagneux et boisé, est l'un des hauts lieux de la résistance. Il y existe un puissant maquis FTP. Les francs-tireurs et partisans, un mouvement de résistance très proche du Parti communiste. C'est exact. Les FTP sont alors dirigés, entre autres, par un homme remarquable, Charles Tillon, un communiste qui sera souvent amené à prendre quelques distances avec la direction de son parti. Il sera même viré après-guerre. En tout cas, vous avez raison de souligner la très grande proximité qui existe entre le Parti communiste et les FTP, car ça aura beaucoup d'importance dans la suite de cette histoire. Assez rapidement, ce maquis va grossir. Il va même jouer le rôle d'une sorte de centre de formation. On y envoie les jeunes recrues, tandis que d'autres viennent y reprendre momentanément des forces. Et ses chefs ? Il y en a surtout un qui est par ailleurs chef régional des FTP. Il s'appelle Giovanni Sosso, et lui aussi est d'origine italienne. Cet homme, à qui on connaîtra de nombreux noms de guerre, est un militant aguerri, et presque certainement un agent des services de renseignement de l'armée rouge. Mais on n'en est pas sûr. Toutefois, son élévation excessivement rapide au sein de l'appareil le prouve. Sosso est un homme de Moscou. Autre élément, qui va dans la même direction, il sera autorisé à prendre langue avec le SOE britannique. Les services qui se donnent pour consigne de mettre l'Europe à fluès. Seul un éminent dirigeant pouvait conduire de telles initiatives. Mais poursuivons. Sosso travaille donc à la création d'un puissant maquis dans la région de Saint-Étienne. Pas très loin du Puy-en-Velay, donc. Et justement, l'une des premières actions spectaculaires entreprises par Sosso et ses hommes consiste à libérer une partie des résistants enfermés dans la prison du Puy. Mais attention, un tri préalable a été opéré. Un tri, c'est-à-dire... Il a été décidé d'organiser l'évasion d'une 20aine d'hommes. Et parmi eux, aucun des 5 trotskistes qui s'y trouvent. Et qui a pris cette décision ? Sosso, bien évidemment. En parfait accord avec le triumvirat communiste qui s'est constitué au sein de la prison. Quoi qu'il en soit, l'opération est un succès. 26 partisans s'évadent. Mais à l'extérieur, on cafouille un peu. Une 15aine de ces évadés sont repris. s'y ajoutent d'autres résistants qui sont raflés après une contre-attaque massive des forces vichistes. Au total, la prison du Puy rassemble maintenant presque 80 prisonniers politiques. Dont Tressot et ses quatre camarades. Bien sûr. À noter que Sosso lui-même est tombé. Mais il est emprisonné dans un autre établissement de la région, Bellevue, à Saint-Étienne, où l'on a regroupé d'autres résistants. Le coup a été rude pour le maquis. Cependant, de nouvelles recrues sont arrivées. Ouais, une conséquence directe, c'est de la mise en place du STO, le service du travail obligatoire. Mmh, car beaucoup de jeunes gens préfèrent rejoindre la résistance plutôt que d'aller travailler en Allemagne. Ouais. En tout cas, cela permet d'envisager une nouvelle tentative d'évasion massive. Et d'abord à Bellevue. Mais où Sosso lui-même est détenu. Mmh, et une nouvelle fois, on sélectionne les candidats à l'évasion. Sosso, de l'intérieur de la prison, est le mieux placé pour effectuer ce tri très politique. Bon, je vous passe les détails, mais avec l'appui tactique de SOE, 32 partisans se font la belle en septembre 1943. Autant de cadres qui vont renforcer les structures des maquis FTP. Et Sosso fait partie de cette nouvelle fournée? Forcément. Et aucun de ces prisonniers n'est repris? Non, le succès est total. Mais ceux qui sont restés sont victimes de représailles brutales. Et beaucoup sont envoyés dans des camps en Allemagne. Et peu en reviendront. Ouais. C'est cruel, mais ce tri opéré par Sosso, là, n'est-il pas indispensable? Et après tout, il est peut-être difficile d'organiser l'évasion de tous les détenus. Hein. C'est possible, mais je ne peux pas vous en dire plus. Cependant, il reste les prisonniers du Puy. Et le maquis envisage au plus vite une nouvelle évasion. Malgré les précautions prises par les autorités de Vichy, enfin je l'imagine. En effet, des GMR lourdement armés sont venus renforcer le personnel pénitentiaire. Les GMR? Les groupes mobiles de réserve, les ancêtres de nos CRS si vous voulez. Mais heureusement la résistance a réussi à introduire un homme très précieux à l'intérieur même de la prison. Le professeur Pierre Brouet, auteur d'une remarquable biographie de Trotsky, a également écrit avec Raymond Vacheron un ouvrage intitulé « Meurtre au maquis ». Il s'interroge longuement sur Giovanni Sosso et retrace le parcours de ce révolutionnaire, parcours qui fourmille de zones d'ombre, ce qui permet à Brouet d'écrire ceci. Tout suggère qu'on se trouve en présence d'un homme des services soviétiques. En récapitulant, on sait que Giovanni Sosso est un Italien qui s'exprime correctement en français. Il n'est pas naturalisé. Jusqu'en 1939, il n'apparaît que dans des fonctions subalternes à l'intérieur du parti, mais aussi sur les marges dans des viviers d'agents potentiels. Il est censé ne pas être membre du parti, mais voyage en URSS sous une fausse identité. Il y aurait séjourné une année entière. Dès 1943, c'est une figure importante qui démontrera, à l'issue d'un conflit avec un adjoint du commandant de la zone sud, qu'il bénéficie d'appuis encore plus élevés que celui-ci. Il fait partie de la dernière direction des FTP de zone sud et il sera seul habilité à négocier avec le SOE britannique, ce qui était un privilège des cadres spécialement autorisés et des hommes des services. À Moscou, nous avons acquis, en étudiant les dossiers de la section des cadres de la Comintern, la conviction que Sosso était probablement un agent du GRU, le service secret civil et militaire de l'Union soviétique. Alors cet homme providentiel? Il s'appelle Albert Chapelle. Et il est parvenu à se faire engager comme gardien de prison au Puy. Sur ordre de la résistance? Très certainement. Il faut signaler tout de suite que ce jeune gardien, il a tout juste 24 ans, est membre des Jeunesses Socialistes. Ouais, clandestinement, bien sûr. Et c'est un point essentiel. Car lorsqu'à leur habitude, les meneurs communistes de la prison vont vouloir effectuer un tri parmi ceux qui seront autorisés à s'évader, Chapelle s'y opposera résolument. Ah oui. Et il aura, lui, gain de cause? Obligatoirement, puisque le succès ou l'échec de l'opération dépend de lui. Ce jeune homme annonce donc que tout le monde s'évadera sans aucune distinction. Sinon, ce ne sera personne. Malheureusement, mais il ne pouvait pas le savoir, il jouera ainsi un rôle tragique dans le destin de Tressot et de ses camarades trotskistes. Toutefois, voyons d'abord les circonstances de cette spectaculaire évasion effectuée dans la nuit du 1er au 2 octobre 1943. D'après ce que l'on a appris beaucoup plus tard, Chapelle offre aux gardiens et aux hommes des GMR du vin qu'il a apporté de l'extérieur. Et il veut les enivrer. Bon, ça y ressemble. En réalité, ce vin si généreusement offert a été assaisonné d'une bonne dose de somnifères. Et dès que les premiers gardiens s'endorment, Chapelle s'empare des clés et des armes, ouvre les portes des cellules. Et les détenus, désormais armés, se rendent rapidement maîtres de la prison. À 1 heure du matin, ils peuvent maintenant sortir de la prison par la grande porte. Il y a là 2 condamnés de droit commun et plus de 80 politiques. Joli succès, hein. Et Chapelle fait naturellement partie de l'équipée. À l'extérieur, comme la première fois, la logistique cafouille. Les 2 camions prévus pour embarquer les évadés ne sont pas au rendez-vous. Il y a seulement 3 voitures réservées au chef. Mais qu'importe, le gros de la troupe s'empresse de marcher vers les faubourgs de la ville. Et bien que l'alerte ait été donnée vers 2h30 du matin, ils réussissent tous à disparaître dans la nature. Mais c'est le début d'une redoutable épreuve. Ah, expliquez. Ils vont devoir marcher pendant plusieurs jours, et souvent de nuit. 120 kilomètres avec des détours avant de rejoindre le maquis, pas loin de Saint-Julien-Chapteuil, au cœur de la forêt de Haute-Loire, à 1200 mètres d'altitude. Mais c'est autre chose de beaucoup plus préoccupant qui frappe Tessot et ses 4 compagnons trotskistes, Demazière, Reboul, Saligny et Sadek. Quoi, non ? Ben, ils s'aperçoivent que tout au long de cette marche harassante, ils font l'objet d'une étroite surveillance de la part de leurs anciens co-détenus et des jeunes partisans qui les guident dans les forêts et la montagne. Certains d'entre eux les accompagnent même, revolver au poing. Ah, ça, c'est inquiétant, effectivement. Et la défiance qu'ils inspirent est confirmée dès leur arrivée dans le campement du maquis. Les 5 trotskistes sont aussitôt isolés, et même quelques jours après leur arrivée, ils sont séparés 2 par 2. 2 par 2, alors, et le cinquième ? Albert Demazière est logé dans une grange voisine. Mis à part, donc. Et ça lui permettra d'avoir la vie sauve, car sous prétexte d'aller chercher du ravitaillement, il pourra s'échapper. Et son témoignage, recueilli un peu plus tard dans une feuille trotskiste, donnera les premières informations sur le destin de ses 4 autres compagnons. Ouais. Il a donc bénéficié, lui, d'un sort à part. Sans doute, parce qu'il ne détenait pas de renseignements jugés dangereux. Bon, n'allons pas trop vite. M'y attendez. L'évasion de Demazière permet, en tout cas, à ses geôliers d'affirmer qu'il s'agit d'une traîtrise. Mais qu'attendre d'autre d'un trotskiste ? Les 4 hommes sont donc maintenant surveillés jour et nuit par 10 d'hommes armés. L'un d'eux essaie de s'évader, mais il est rapidement attrapé. Donc ce sont maintenant, clairement, des prisonniers. Des détenus, qui sont l'objet de l'hostilité générale des maquisards, et qui ignorent toujours le sort qui leur sera réservé. Mais qui prendra une décision à leur sujet ? Le chef du maquis, c'est évident. Et en premier lieu, Giovanni Sosso. Mais il n'est pas exclu que cet apparatchik ait demandé des ordres beaucoup plus hauts. Quoi, la direction du parti ? Par exemple. C'est alors Jacques Duclos qui, dans la clandestinité, assure cette direction, puisque Maurice Thorez se trouve en URSS depuis 1939. Et Duclos, c'est bien connu, est un fidèle de Staline, hein. Et peut-être même un agent du Comintern. Ouais. Il existe encore des rouages supérieurs capables de prendre des décisions au sujet de ces trotskistes. On verra ça un tout petit peu plus tard. En attendant cet oukase stalinien, il semble que Sosso ait organisé une sorte de consultation auprès des maquisards. Pour démocratiser cette décision ou bien plutôt pour faire en sorte que tous se sentent ensuite solidaires de la sanction qui sera prononcée. Ah, c'est une façon de les mouiller, pour parler clairement. Si vous voulez. Ici, il se passe un épisode curieux. Il est demandé aux 4 trotskistes de rédiger leur biographie. Ça, c'est un procédé typiquement communiste. Oui, mais tout militant d'un certain niveau doit sacrifier à cette épreuve qui permet de détecter mensonges et omissions. Mais dans le cas des trotskistes, ça donne l'impression qu'on prépare contre eux un procès stalinien. Autre fait étrange. Un photographe est acheminé jusque dans le maquis et il prend des clichés des 4 hommes. J'avoue que je n'ai pas bien compris ce que ça signifiait, sauf à penser qu'on voulait dénoncer plus tard ces hommes présentés comme des traîtres. Ah oui, une sorte d'affiche rouge à rebours. Oui, mais enfin, je n'en sais pas plus. Et les maquisards, sont-ils tous unanimes à condamner les trotskistes ? Ah, certainement pas, mais c'est la guerre. Et puis, ça fait tellement longtemps qu'on leur serine qu'un trotskiste ne peut être qu'un traître. Pourtant, vous avez raison. Des résistants ayant eu vent du fait que Tressot et ses amis étaient considérés comme des prisonniers dans ce camp FTP, ont tenté d'intervenir auprès de la direction communiste. Le grand historien Marc Bloch, en particulier. Mais lorsqu'il plaidera en faveur de Tressot, celui-ci aura déjà été assassiné. Y a-t-il eu ce procès stalinien que vous sembliez annoncer ? Non. Fin octobre, le 26 ou le 27, Les quatre hommes ont été abattus. Ça signifie que l'ordre de Moscou était arrivé, alors? J'en suis sûr. Mm-hmm. Et sait-on dans quelles circonstances? Pas vraiment. Mais certains ont parlé de corvée de bois. Cette sinistre expression qui sera utilisée plus tard par les para-français de la guerre d'Algérie pour désigner les exécutions de Felaga censées avoir été abattues dans le dos au cours de prétendues tentatives d'évasion. Mais encore une fois, j'avoue mon ignorance. Un dernier mot à propos de cette liquidation. Les quatre dépouilles auraient été inhumées à proximité du campement des maquisards. Ouais, dans la forêt, donc. Mais si, après tellement d'années, on ne sait toujours pas exactement ce qu'il s'est passé, c'est parce que les témoins ont refusé de s'exprimer. Oui, le silence a été demandé à tous. Mais justement, quand on a commencé à connaître la vérité sur les crimes de Staline, les langues ne se sont-elles pas déliées? Eh bien non. Le poids de la culpabilité a été le plus fort. Et tous les témoins ont longtemps refusé de libérer leur conscience et de répondre notamment aux incessantes questions de Barbara. Ouais. Certains, alors, si je comprends bien, certains ont donc fini par lâcher quelques bribes. Et parfois sous couvert d'anonymat. Mais sans jamais pouvoir dire qui étaient les vrais commanditaires de ce quadruple assassinat. Quand la courageuse Barbara a disparu à son tour, des historiens, des militants politiques ont pris le relais dans les années 1990. Ainsi, en 1996, le survivant Albert de Mazières écrit au secrétaire général du Parti communiste français, Robert Hue, pour lui demander d'ouvrir les archives afin que la lumière soit enfin faite sur la mort de Tressot et de ses camarades. Un résultat ? Robert Hue lui répond presque aussitôt dans l'Humanité. Il affirme qu'il partage le souci de vérité qui anime de Mazières et la cinquantaine d'intellectuels qui se sont joints à sa demande. Et il relève au passage que lui-même n'a pas hésité à serrer la main de la trotskiste Arlette Laguiller. Oui, mais ça ne va pas plus loin. Hue, par exemple, refuse de croire qu'une consigne de silence ait été donnée aux responsables de l'époque. Et on en reste là. Ah oui. Démarche vaine, donc. Tout à fait. Pourtant, une partie de la vérité aurait pu venir d'Italie. Un ami de Tressot, Alfonso Leonetti, communiste puis trotskiste comme lui, avant de réintégrer le Parti communiste italien, a affirmé connaître la vérité, et même détenir des papiers confirmant celle-ci. Mais, jusqu'à sa mort, il a refusé d'en dire plus, pour ne pas nuire à son parti. Mmh. Patriotisme, le parti. Et ces papiers? Ah ben, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors maintenant, vous pouvez peut-être me dire ce que vous en pensez, vous. Je n'ai pas de certitude, hein, seulement des pistes, mais qui démontrent toutes que Tressot était un homme qui en savait trop. Alors, la première, la plus évidente, c'est la piste italienne. Tressot avait été témoin des compromissions de Togliatti avec les fascistes italiens. C'était très embarrassant pour un parti qui allait se poser après-guerre comme l'héritier de la résistance. Et Togliatti, qui a passé la guerre en URSS, était très bien placé pour demander la tête de son ancien camarade Tressot. Mais ça n'exclut pas la responsabilité du Parti communiste français. D'ailleurs. À l'exception de Sosso, les chefs du maquis de la Haute-Loire étaient des Français. Mais des communistes français obéissant à Duclos. Hein, mais... Puis tenez, moi je ne peux pas m'empêcher de noter que l'homme qui a disposé de très hautes responsabilités au sein des FTP de la région s'appelait Léon Mauvais. Et c'est justement le dirigeant communiste qui a ensuite instruit le procès stalinien du célèbre colonel Guingouin, avant de s'en prendre à deux autres éminents chefs des FTP, Tillon et Marty. Oui, mais vous faites là un simple rapprochement. Sans doute, même si, comme vous le savez, je ne crois guère aux coïncidences. Puis je suis presque sûr que cet homme n'a pas été étranger aux tentatives de liquider les résistants de la Moïse. Oui, la main-d'œuvre immigrée. Hein. Enfin, j'ai aussi envie de soulever un autre lièvre, Seretti. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, oui. L'Italien Giulio Seretti, dit aussi Pierre Allard, était un important dirigeant du Comintern, un homme de l'ombre, qui avait créé la compagnie France Navigation destinée à fournir en armes les républicains espagnols. Il connaissait bien des secrets, en particulier sur l'élimination des trotskistes espagnols par les tueurs de Staline. Lui aussi, réfugié à Moscou pendant la guerre, pouvait avoir tout à craindre des révélations d'un homme comme Tressot, qui avait peut-être eu aussi à connaître la vérité sur les manigances de l'agent soviétique Field à Marseille. Deux livres pour terminer, Meurtre au maquis de Brouet et Vacheron et l'excellente histoire de l'extrême-gauche trotskiste de Frédéric Charpier.